L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La plupart des exoplanètes qui ont été trouvées jusqu'à aujourd'hui se trouvent en orbite d'étoiles plutôt jeunes, du type de notre Soleil ou encore plus jeunes. Une équipe d'astrophysiciens relate aujourd'hui l'observation de petits corps rocheux en orbite autour d'une étoile en fin de vie, une naine blanche, ce à quoi ressemblera notre Soleil dans 10 milliards d'années. Et ces petites planètes sont en très très mauvais état, à l'image de ce qui attend la Terre dans le futur très lointain. Andrew Vandenberghe et ses collaborateurs ont détecté la présence de ces planètes mineures grâce au télescope spatial Kepler par la méthode du transit. Les étoiles naines blanches sont des étoiles très petites et très denses, et possèdent ainsi un champ gravitationnel imposant. De ce fait, les éléments plus lourds que l'hélium, les métaux, qui tombent à la surface de telles étoiles, n'y restent pas. Ils sont attirés rapidement au centre de l'étoile, ne laissant qu'une atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Mais bizarrement, les astronomes observent des éléments lourds comme l'oxygène, le carbone ou le silicium dans l'atmosphère d'environ un tiers des naines blanches. Et des observations en infrarouge ont montré que de nombreuses naines blanches étaient entourées de disques de poussière. Cette pollution atmosphérique des naines blanches montre qu'une quantité importante ont pu tout simplement détruire leur planète et pourraient être en train de dévorer leur matière. C'est ce phénomène que Vandenberghe et son équipe semblent avoir vu. Ils ont observé la naine blanche nommée WD1145+017 qui est située à 570 années-lumière et ont découvert de multiples transits devant cette étoile, avec des périodes orbitales très courtes, de 4,5 et 4,9 heures. Et ces transits sont très particuliers, car ils apparaissent peu profonds, ne produisant pas de forte atténuation de la lumière de l'étoile, et durent étonnamment longtemps, entre 40 et 80 minutes à chaque passage. Un corps solide, simple, devrait induire un transit très court devant une petite étoile de ce type, de l'ordre d'une minute. Pour mieux comprendre les données de Kepler, les astronomes ont donc observé WD1145+017 avec des télescopes terrestres et ont alors mis en évidence de nouveaux transits asymétriques de 5 minutes et avec des différences de phase par rapport à ceux observés avec Kepler. En effectuant une analyse spectroscopique de l'atmosphère de l'étoile, les chercheurs ont alors vu nettement la présence de métaux à la surface de l'étoile. La conclusion des auteurs, qui est une explication possible à ces transits inhabituels, est que une ou plusieurs petites planètes orbitent la naine blanche et cette dernière est en train de les disloquer. Les planètes perdraient ainsi de la matière qui tomberait continuellement à la surface de la naine blanche. Avant de tomber sur l'étoile, la matière évaporée des planètes formerait un grand nuage condensé de molécules produisant une longue traînée cométaire derrière la planète en perdition. Il faut se rappeler qu'au cours de l'évolution d'une étoile comme le Soleil, avant de devenir une naine blanche, l'étoile passe par une phase durant laquelle elle gonfle en devenant une géante rouge, perdant ensuite de grandes quantités de matière en dispersant son enveloppe. Ce phénomène, outre que des planètes comme Mercure et Vénus seront englouties dans le plasma stellaire, produit des instabilités gravitationnelles dans tout le système solaire, pouvant amener à des collisions d'astéroïdes et de planètes, et au final, disloquer les grands corps en de nombreux petits corps, qui peuvent alors se retrouver à des distances très proches de l'étoile. Des petites planètes en cours d'évaporation ont déjà été observées dans le passé autour d'étoiles de la séquence principale, en milieu de vie, et montraient exactement les mêmes profils de transit observés ici, avec une atténuation variable, des asymétries et des durées longues. Mais c'est la première fois que le phénomène est observé autour d'une naine blanche qui, de plus, apparaît polluée par la matière constitutive des corps rocheux planétaires. Dans le futur, on peut imaginer que les astrophysiciens seront à même de distinguer quels éléments parmi les polluants des atmosphères des naines blanches proviennent des noyaux de planètes détruites ou de leurs manteaux. Cette étude nous indique finalement, à quoi pourrait ressembler la fin annoncée de notre planète dans plus de 10 milliards d'années ? L'article de Andrew van der Burg et ses collaborateurs est paru dans Nature aujourd'hui même, le 22 octobre 2015, et il a pour titre « Disintegrating Minor Planet, Transiting a White Dwarf ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr ainsi que sur les plateformes PodCloud et iTunes pour récupérer ce podcast que vous aimez, je le sais. Oui, je le sais. N'oubliez pas que Ça se passe là-haut candidate pour les Golden Blog Awards qui auront lieu le 10 novembre prochain et les internautes votent pour choisir leur meilleur blog pour la première phase de sélection. Et ce, jusqu'au 26 octobre. Il vous reste donc 4 jours. Oui, 4 jours pour voter pour Ça se passe là-haut, tous les jours. Rendez-vous en haut à gauche du site, sur la bannière. Et il vous suffit juste de cliquer. Allez, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très bientôt, je l'ai déjà dit. Et restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !